Chapitre 6 Du pouvoir paternel. Il se pourrait qu'on trouvât impertinent et hors de sa place un trait de critique dans un discours tel que celui-ci, ce qui ne m'empêchera pas de me récrier contre l'usage d'une expression que la coutume a établie pour désigner le pouvoir dont j'ai dessein de parler dans ce chapitre. Et je crois qu'il n'y a point de mal à employer des mots nouveaux lorsque les anciens et les ordinaires font tomber dans l'erreur. Ainsi qu'a fait apparemment le mot « pouvoir paternel », lequel semble faire résider tout le pouvoir des pères et des mères sur leurs enfants dans les pères seuls, comme si les mères n'y avaient aucune part. Au lieu que, si nous consultons la raison ou la révélation, nous trouverons qu'ils ont l'un et l'autre un droit et un pouvoir égal. En sorte que, je ne sais s'il ne vaudrait pas mieux appeler ce pouvoir le pouvoir des parents, ou le pouvoir des pères et des mères. Car enfin, tous les engagements, toutes les obligations qu'impose aux enfants le droit de la génération, tirent également leur origine des deux causes qui ont concouru à cette génération. Aussi voyons-nous que les lois positives de Dieu touchant l'obéissance des enfants joignent partout, inséparablement et sans nulle distinction, le père et la mère. Honore ton père et ta mère. Quiconque maudit son père ou sa mère, que chacun craigne son père et sa mère. Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères. C'est là le langage uniforme de l'Ancien et du Nouveau Testament. On peut comprendre, seulement par ce qui vient d'être remarqué, et sans entrer plus avant dans cette matière, que si on y avait fait réflexion, on aurait pu s'empêcher de tomber dans les grossières bévues où l'on est tombé à l'égard du pouvoir des parents, lequel, sans outrer les choses, ne peut être nommé domination absolue ou autorité royale lorsque, sous le titre de pouvoir paternel, on semble l'approprier au père. Si ce prétendu pouvoir absolu sur les enfants avait été appelé le pouvoir des parents, le pouvoir des pères et des mères, on aurait senti, infailliblement, l'absurdité qu'il y a à soutenir un pouvoir de cette nature. Et l'on aurait reconnu que le pouvoir sur les enfants appartient aussi bien à la mère qu'au père. Les partisans et les défenseurs outrés du monarchisme auraient été convaincus que cette autorité fondamentale, d'où ils font descendre leur gouvernement favori, la monarchie, ne devait point être mise et renfermée en une seule personne, mais en deux conjointement. Mais en voilà assez pour le nom et le titre de ce dont nous avons à traiter. Quoique j'aie posé dans le premier chapitre que naturellement tous les hommes sont égaux, il ne faut pourtant pas entendre qu'ils soient égaux à tous égards, car l'âge ou la vertu peut donner à quelques-uns de la supériorité et de la préséance. Des qualités excellentes et un mérite singulier peuvent élever certaines personnes au-dessus des autres et les tirer du rang ordinaire. La naissance, l'alliance, d'autres bienfaits et d'autres engagements de cette nature obligent aussi à respecter, à révérer, d'une façon particulière certaines personnes. Cependant, tout cela s'accorde fort bien avec cette égalité dans laquelle se trouvent tous les hommes par rapport à la juridiction ou à la domination des uns sur les autres, et dont nous entendions parler précisément au commencement de cet ouvrage. Car là, il s'agissait d'établir le droit égal que chacun a à sa liberté, et qui fait que personne n'est sujet à la volonté ou à l'autorité d'un autre homme. J'avoue que les enfants ne naissent pas dans cet entier état d'égalité, quoiqu'ils naissent pour cet état. Leurs pères et mères ont une espèce de domination et de juridiction sur eux lorsqu'ils viennent au monde et ensuite durant quelque temps. Mais cela n'est que temporaire. Les liens de la sujétion des enfants sont semblables à leur linge et à leurs premiers habillements, qui leur sont absolument nécessaires à cause de la faiblesse de l'enfance. L'âge et la raison les délivrent de ces liens et les mettent dans leur propre et libre disposition. Adam fut créé un homme parfait. Son corps et son âme, dès le premier moment de sa création, eurent toute leur force et toute leur raison. Et par ce moyen, il était capable de pourvoir à sa conservation et à son entretien, et de se conduire conformément à la loi de la raison dont Dieu avait orné son âme. Depuis, le monde a été peuplé de ses descendants qui sont tous nés enfants, faibles, incapables de se donner aucun secours à eux-mêmes et sans intelligence. C'est pourquoi, afin de suppléer aux imperfections d'un tel état, jusqu'à ce que l'âge les eût fait disparaître, Adam et Ève, et après eux tous les pères et toutes les mères, ont été obligés, par la loi de la nature, de conserver, nourrir et élever leurs enfants, non comme leur propre ouvrage, mais comme l'ouvrage de leur Créateur, comme l'ouvrage du Tout-Puissant, à qui ils doivent en rendre compte. La loi qui devait régler la conduite d'Adam était la même que celle qui devait régler la conduite et l'action de toute sa postérité, c'est-à-dire la loi de la raison. Mais ceux qui sont descendus de lui, entrant dans le monde par une voie différente de celle par laquelle il y était entré, y entrant par la naissance naturelle, et par conséquent naissant ignorants et destitués de l'usage de la raison, ils ne sont point d'abord sous cette loi, car personne ne peut être sous une loi qui ne lui est point manifestée. Or, la loi de la raison ne pouvant être manifestée et connue que par la raison seule, il est clair que celui qui n'est pas encore parvenu à l'usage de la raison ne peut être dit soumis à cette loi. Et aussi, par un enchaînement de conséquences, les enfants d'Adam n'étant point dès qu'ils sont nés sous cette loi de la raison, ne sont point non plus d'abord libres. En effet, une loi suivant sa véritable notion n'est pas tant faite pour limiter que pour faire agir un agent intelligent et libre conformément à ses propres intérêts. Elle ne prescrit rien que par rapport au bien général de ceux qui y sont soumis. Peuvent-ils être plus heureux sans cette loi-là? Dès lors, cette sorte de loi s'évanouit d'elle-même comme une chose inutile. Et ce qui nous conduit dans les précipices et dans les abîmes mérite sans doute d'être rejeté. Quoi qu'il en soit, il est certain que la fin d'une loi n'est point d'abolir ou de diminuer la liberté, mais de la conserver et de l'augmenter. Et certes, dans toutes les sortes d'états des êtres créés capables de loi, là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de liberté. Car la liberté consiste à être exempt de gêne et de violence de la part d'autrui. Ce qui ne saurait se trouver où il n'y a point de loi, et où il n'y a point, selon ce que nous avons dit ci-dessus, une liberté par laquelle chacun peut faire ce qui lui plaît. Car qui peut être libre lorsque l'humeur fâcheuse de quelque autre pourra dominer sur lui et le maîtriser? Mais on jouit d'une véritable liberté quand on peut disposer librement et comme on veut de sa personne, de ses actions, de ses possessions, de tout son bien propre, suivant les lois sous lesquelles on vit et qui font qu'on n'est point sujet à la volonté arbitraire des autres, mais qu'on peut librement suivre la sienne propre. Le pouvoir donc que les pères et les mères ont sur leurs enfants dérive de cette obligation où sont les pères et les mères de prendre soin de leurs enfants durant l'état imparfait de leur enfance. Ils sont obligés de les instruire, de cultiver leur esprit, de régler leurs actions, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de raison et qu'ils puissent se conduire par eux-mêmes. Car Dieu, ayant donné à l'homme un entendement pour diriger ses actions, il lui a donné aussi la liberté de la volonté, la liberté d'agir conformément aux lois sous lesquelles il se trouve. Mais pendant qu'il est dans un état dans lequel il n'a pas assez d'intelligence pour diriger sa volonté, il ne faut pas qu'il suive sa volonté propre. Celui qui a de l'intelligence pour lui doit vouloir pour lui, doit régler sa conduite. Mais lorsqu'il est parvenu à cet état qui a rendu son père un homme libre, le fils devient homme libre aussi. Cela a lieu dans toutes les lois sous lesquelles on vit, et dans les lois naturelles, et dans les lois civiles. Quelqu'un se trouve-t-il sous les lois de la nature? Qu'est-ce qui peut établir sa liberté sous ces lois? Qu'est-ce qui peut lui donner la liberté de disposer, comme il lui plaît, de son bien, en demeurant dans les bornes de ces lois? Je réponds que c'est l'état dans lequel il peut être supposé capable de connaître ces lois-là, et de se contenir dans les bornes qu'elles prescrivent. Lorsqu'il est parvenu à cet état, il faut présumer qu'il connaît ce que les lois exigent de lui et jusqu'où s'étend la liberté qu'elles lui donnent. Donc, tout homme qui sait l'étendue de la liberté que les lois lui donnent est en droit de se conduire lui-même. Si un tel état de discrétion a pu rendre quelqu'un libre, le même état rend libre aussi son fils. Quelqu'un est-il soumis aux lois d'Angleterre? Qu'est-ce qui le fait libre au milieu de ces lois? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il a la liberté de disposer de ses actions et de ses possessions selon sa volonté, conformément pourtant à l'esprit des lois dont il s'agit. C'est un état qui le rend capable de connaître la nature de ces lois. Et c'est aussi ce qu'elles supposent elles-mêmes lorsqu'elles déterminent pour cela l'âge de 20 ans, et dans certains cas, un âge moins avancé. Si un état semblable rend le père libre, il doit rendre de même le fils libre. Nous voyons donc que les lois veulent qu'un fils, dans sa minorité, n'ait point de volonté, mais qu'il suive la volonté de son père ou de son conducteur, qui a de l'intelligence pour lui. Et si le père meurt sans avoir substitué quelqu'un qui eut soin de son fils et tint sa place, s'il ne lui a point nommé de tuteur pour le gouverner durant sa minorité, durant son peu d'intelligence, en ce cas, les lois se chargent de ce soin et de cette direction. L'un ou l'autre peut gouverner cet orphelin et lui proposer sa volonté pour règle jusqu'à ce qu'il ait atteint l'état de liberté et que son esprit puisse être propre à gouverner sa volonté selon les lois. Mais après cela, le père et le fils, le tuteur et le pupille, sont égaux. Ils sont tous également soumis aux mêmes lois. Et un père ne peut prétendre alors avoir nulle domination sur la vie, sur la liberté, sur les biens de son fils, soit qu'il vive seulement dans l'état et sous les lois de la nature, soit qu'il se trouve soumis aux lois positives d'un gouvernement établi. Mais si par des défauts qui peuvent arriver hors du cours ordinaire de la nature, une personne ne parvient pas à ce degré de raison, dans lequel elle peut être supposée capable de connaître les lois et d'en observer les règles, elle ne peut point être considérée comme une personne libre. On ne peut jamais la laisser disposer de sa volonté propre à laquelle elle ne sait pas quelle borne elle doit donner. C'est pourquoi, étant sans l'intelligence nécessaire et ne pouvant se conduire elle-même, elle continue à être sous la tutelle et sous la conduite d'autrui pendant que son esprit demeure incapable de ce soin. Ainsi, les lunatiques et les idiots sont toujours sous la conduite et sous le gouvernement de leurs parents. Or, tout ce droit et tout ce pouvoir des pères et des mères ne semble être fondé que sur cette obligation que Dieu et la nature ont imposée aux hommes aussi bien qu'aux autres créatures de conserver ceux à qui ils ont donné la naissance et de les conserver jusqu'à ce qu'ils soient capables de se conduire eux-mêmes. Et tout ce droit, tout ce pouvoir ne saurait que difficilement produire un exemple ou une preuve de l'autorité royale des parents. Ainsi, nous naissons libres aussi bien que raisonnables, quoique nous n'exercions pas d'abord actuellement notre raison et notre liberté. L'âge qui amène l'une amène aussi l'autre. Et par là, nous voyons comment la liberté naturelle et la sujétion aux parents peuvent subsister ensemble, et sont fondées l'une et l'autre sur le même principe. Un enfant est libre sous la protection et par l'intelligence de son père, qui doit le conduire jusqu'à ce qu'il puisse régler ses propres actions. La liberté d'un homme à l'âge de discrétion et la sujétion où est un enfant, pendant un certain temps à l'égard de son père et de sa mère, s'accordent si bien et sont si peu incompatibles que les plus entêtés défenseurs de la monarchie, de cette monarchie qu'ils fondent sur le droit de paternité, ne sauraient s'empêcher de le reconnaître. Car quand bien même ce qu'ils enseignent serait entièrement vrai. Quand le droit hérité d'Adam serait à présent tout à fait reconnu et qu'en conséquence de ce droit, de cette prérogative excellente, celui qui l'aurait hérité du premier homme serait assis sur son trône en qualité de monarque, revêtu de tout ce pouvoir absolu et sans borne dont parle Robert Filmer, s'il venait à mourir dès que son héritier serait né, ne faudrait-il pas que l'enfant, quoiqu'il n'eût été jamais plus libre, jamais plus souverain qu'il ne serait en ce cas, fût dans la sujétion à l'égard de sa mère, de sa nourrice, de ses tuteurs, de ses gouverneurs, jusqu'à ce que l'âge et l'éducation eussent amené la raison et eussent rendu le jeune monarque capable de se conduire lui-même et de conduire les autres? Les nécessités de sa vie, la santé de son corps, l'instruction et la culture dont son esprit a besoin demandent qu'il soit conduit et gouverné par la volonté des autres et non par la sienne propre. Qui pourra, après cela, soutenir raisonnablement que cette sujétion ne saurait s'accorder avec cette liberté de souveraineté à laquelle il a le droit, ou qu'elle le dépouille de son empire et de sa domination pour en revêtir ceux qui le gouvernent durant sa minorité, ce qu'ils font ne tend qu'à le rendre plus capable de conduire les autres et à le mettre en état de prendre plutôt les rênes du gouvernement. Si donc quelqu'un me demandait « Quand est-ce que mon fils est en âge de liberté ?» je répondrais « Justement, lorsque ce monarque est en âge et en état de gouverner. » « Mais dans quel temps, dit le judicieux Hooker, un homme peut-il être regardé comme ayant l'usage de la raison ? Ce temps, c'est celui où il est capable de connaître la nature de ses lois suivant lesquelles tout homme est obligé de régler ses actions. Du reste, c'est une chose plus aisée à discerner par les sens qu'à déterminer et décider par la plus grande habileté et par le plus profond savoir. Les sociétés elles-mêmes prennent connaissance de ce point et prescrivent l'âge auquel on peut commencer à faire les actes d'homme libre. Et pendant qu'on se trouve au-dessous de cet âge, elles ne requièrent nul serment, ni aucun autre acte public de cette nature par lequel on se soumette au gouvernement du pays où l'on est. La liberté de l'homme, par laquelle il peut agir comme il lui plaît, est donc fondée sur l'usage de la raison, qui est capable de lui faire bien connaître ses lois, suivant lesquelles il doit se conduire, et l'étendue précise de la liberté que ces lois laissent à sa volonté. Mais le laisser dans une liberté entière, avant qu'il puisse se conduire par la raison, ce n'est pas le laisser jouir du privilège de la nature, c'est le mettre dans les rangs des brutes, et l'abandonner même à un état pire que le leur, à un état beaucoup au-dessous de celui des bêtes. Or, c'est par cette raison que les pères et les mères acquièrent cette autorité avec laquelle ils gouvernent la minorité de leurs enfants. Dieu les a chargés du soin de ceux à qui ils ont donné la naissance et a mis dans leur cœur une grande tendresse pour tempérer leur pouvoir et les engager à ne s'en servir que par rapport à ce à quoi sa sagesse l'a destiné, c'est-à-dire au bien et à l'avantage de leurs enfants pendant qu'ils ont besoin de leur conduite et de leur secours. Mais quelle raison peut changer ce soin que les pères et les mères sont obligés de prendre de leurs enfants en une domination absolue et arbitraire du père, dont certainement le pouvoir ne s'étend pas plus loin qu'à user des moyens les plus efficaces et les plus propres pour rendre leur corps vigoureux et sain, et leurs esprits forts et droits, en sorte qu'ils puissent être un jour par là plus utiles et à eux-mêmes et aux autres, et si la condition de leur famille le requiert, travailler de leurs mains pour pourvoir à leur propre subsistance. Mais la mère a aussi bien sa part que le père à ce pouvoir. Il appartient si peu au père, par quelque droit particulier de la nature, et il est si certain qu'il ne l'a qu'en qualité de gardien et de gouverneur de ses enfants, que lorsqu'il vient à n'avoir plus soin d'eux et à les abandonner, dans le même temps qu'il se dépouille des tendresses paternelles, il se dépouille du pouvoir qu'il avait auparavant sur eux, qui était inséparablement annexé aux soins qu'il prenait de les nourrir et de les élever, et qui passe ensuite, tout entier, au père nourricier d'un enfant exposé et lui appartient autant qu'appartient un semblable pouvoir au père naturel et véritable d'un autre. Le simple acte de génération donne sans doute à un homme un pouvoir bien mince sur ses enfants. Si ses soins n'allaient pas plus avant, et s'il n'alléguait point d'autres fondements du nom et de l'autorité de père, ce fondement ne serait pas grand-chose. Et je puis demander, qu'arrivera-t-il de ce pouvoir paternel dans cette partie du monde où une femme a deux maris en même temps? Ou dans ces endroits de l'Amérique, dans lesquels, quand le mari et la femme viennent à se séparer, ce qui arrive fréquemment, les enfants sont tous laissés à la mère, la suivent et sont entièrement sous sa conduite? Que si un père meurt pendant que ses enfants sont jeunes et dans le bas âge, ne sont-ils pas obligés, naturellement, d'obéir à leur mère durant leur minorité, comme ils obéissaient à leur père lorsqu'ils vivaient? Et quelqu'un dira-t-il qu'une mère a un pouvoir législatif sur ses enfants, qu'elle peut leur dresser et proposer des règles qui soient d'une perpétuelle obligation et par lesquelles elle puisse disposer de tout ce qui leur appartient, limiter leur liberté pendant toute leur vie et les obliger, sur des peines corporelles, à observer ses lois et à se conformer aveuglément à sa volonté? Car c'est là le pouvoir propre des magistrats, duquel les pères n'ont que l'ombre. Le droit que les pères ont de commander à leurs enfants ne subsiste qu'un certain temps, et ne s'étend point jusqu'à leur vie et à leurs biens propres et particuliers. Ce droit-là n'est établi pour un temps que pour soutenir la faiblesse du bas âge et remédier aux imperfections de la minorité. c'est une discipline nécessaire pour l'éducation des enfants. Et quoiqu'un père puisse disposer de ses propres possessions comme il lui plaît, lorsque ses enfants sont hors de danger de mourir de faim, son pouvoir néanmoins ne s'étend point jusqu'à leur vie ou jusqu'à leurs biens, soit que ces biens aient été acquis par leur propre industrie, ou qu'ils soient des effets de la bonté et de la libéralité de quelqu'un. Il n'a nul pouvoir aussi sur leur liberté dès qu'ils sont parvenus à l'âge de discrétion. Alors, l'empire des pères cesse, et ils ne peuvent pas non plus disposer de la liberté de leur fils que de celle d'aucun autre homme. Et certes, il faut bien que le pouvoir qu'on nomme paternel soit bien différent d'une juridiction absolue et perpétuelle, puisque l'autorité divine permet de se soustraire à ce pouvoir. L'homme laissera père et mère et se joindra à sa femme. Cependant, bien que l'âge de discrétion soit le temps auquel l'enfant est délivré de la sujétion où il était auparavant par rapport à la volonté et aux ordres de son père, lequel n'est nullement tenu lui-même de suivre la volonté de qui que ce soit, et qu'ils soient l'un et l'autre obligés à observer les mêmes règlements, soit qu'ils se trouvent soumis aux seules lois de la nature, ou qu'ils soient soumis aux lois positives de leur pays, néanmoins, cette sorte de liberté n'exempte point un fils de l'honneur que les lois de Dieu et de la nature l'obligent de rendre à son père et à sa mère. Dieu s'étant servi des pères et des mères comme d'instruments propres pour accomplir son grand dessein, touchant la propagation et la conservation du genre humain, et comme de causes occasionnelles pour donner la vie à des enfants, il a véritablement imposé aux pères et aux mères une forte obligation de nourrir, conserver et élever leurs enfants. Mais aussi, il a imposé en même temps aux enfants une obligation perpétuelle d'honorer leurs pères et leurs mères, d'entretenir dans le cœur une vénération et une estime particulières pour eux, et de marquer cette vénération et cette estime par leurs paroles et leurs expressions, d'avoir un grand éloignement pour tout ce qui pourrait un tant soit peu les offenser, les fâcher, nuire à leur vie ou à leur bonheur, de les défendre, de les assister, de les consoler, par tous les moyens possibles et légitimes. Il n'y a ni bien, ni établissement, ni dignité, ni âge, ni liberté qui puisse exempter des enfants de s'acquitter de ses devoirs envers ceux de qui ils ont reçu le jour, et à qui ils ont des obligations si considérables. Mais tout cela est bien éloigné d'un droit qu'auraient les pères de commander d'une manière absolue à leurs enfants. Cela est bien éloigné d'une autorité par laquelle les pères puissent faire des lois perpétuelles par rapport à leurs enfants et disposer, comme il leur plaira, de leur vie et de leur liberté. Autre chose est honorer, respecter, secourir, témoigner de la reconnaissance, autre chose être obligé à une obéissance et à une soumission absolue. Quant à l'honneur dû aux parents, un monarque même, et le plus grand monarque, est obligé d'honorer sa mère. Mais cela ne diminue rien de son autorité et ne l'oblige point à se soumettre au gouvernement de celle de qui il a reçu la vie. La sujétion d'un mineur établit dans le père un gouvernement d'un certain temps qui finit avec la minorité du fils. Et l'honneur auquel un enfant est obligé établit dans son père et dans sa mère un droit perpétuel d'exiger du respect, de la vénération, du secours et de la consolation plus ou moins, selon qu'ils ont plus ou moins de soins de son éducation, lui ont donné plus ou moins de marques de tendresse et ont plus ou moins dépensé pour lui. Et ce droit ne finit point avec la minorité. Il subsiste tout entier et a lieu dans tous les temps et dans toutes les conditions de la vie. Faute de bien distinguer ces deux sortes de pouvoirs qu'un père a, l'un par le droit de tutelle durant la minorité, l'autre par le droit à cet honneur, qui lui est dû pendant toute sa vie, on est apparemment tombé dans les erreurs dans lesquelles on a été sur cette matière. Car pour en parler proprement et selon la nature des choses, le premier est plutôt un privilège des enfants, et un devoir des pères et des mères, qu'une prérogative du pouvoir paternel. Les pères et les mères sont si étroitement obligés à nourrir et à élever leurs enfants qu'il n'y a rien qui puisse les exempter de cela. Et quoique le droit de leur commander et de les châtier aille toujours de pair avec le soin qu'ils ont de leur nourriture et de leur éducation, Dieu a imprimé dans l'âme des pères et des mères tant de tendresse pour ceux qui sont engendrés d'eux qu'il n'y a guère à craindre qu'ils abusent de leur pouvoir par trop de sévérité. Les principes de la nature humaine portent plutôt les pères et les mères à un excès d'amour et de tendresse qu'à un excès de sévérité et de rigueur. C'est pour cela que, quand Dieu veut bien faire connaître sa conduite pleine d'affection envers les Israélites, il leur dit que, bien qu'il les ait châtiés, il ne les aime pas moins parce qu'il les a châtiés comme l'homme châtie son enfant, c'est-à-dire avec affection et avec tendresse. Et il leur donne à entendre qu'il ne les tenait pas sous une discipline plus sévère que leur bien et leur avantage ne le requérait. Or, c'est par rapport à ce pouvoir que les enfants sont tenus d'obéir à leurs pères et à leurs mères, afin que leurs soins et leurs travaux en puissent être moins grands et moins longs, ou afin qu'ils ne soient pas mal récompensés. De l'autre côté, l'honneur et tous les secours que la gratitude exige des enfants, à cause de tant de bienfaits qu'ils ont reçus de leurs pères et de leurs mères, sont des devoirs indispensables des enfants, et les propres privilèges des pères et des mères. Ce dernier article tend à l'avantage des pères et des mères, comme le premier tend à l'avantage des enfants, quoique l'éducation, qui est le devoir des parents, semble emporter plus de pouvoir et donner plus d'autorité, à cause que l'ignorance et la faiblesse de l'enfance requièrent quelques craintes, quelques corrections, quelques châtiments, certains règlements, et l'exercice d'une certaine domination, au lieu que le devoir qui est compris dans le mot d'honneur demande à proportion moins d'obéissance, et cela par rapport à l'âge plus ou moins avancé des enfants. En effet, qui est-ce qui ira s'imaginer que ce commandement « Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères » oblige un homme qui a des enfants à avoir la même soumission à l'égard de son père que celle à laquelle sont tenus ses jeunes enfants à son égard, et que par ce précepte, on est tenu d'obéir toujours et en toute chose à un père qui, parce qu'il s'imagine avoir une autorité sans borne, aura l'indiscrétion de traiter son fils comme un valet. La première partie, donc, du pouvoir paternel, qui est au fond plutôt un devoir qu'un pouvoir, savoir l'éducation, appartient au père en sorte qu'il finit dans un certain temps. Car lorsque l'éducation est achevée, ce pouvoir cesse. Et même, auparavant, il a dû être aliéné, puisqu'un homme peut remettre son fils en d'autres mains pour l'élever et en avoir soin, et que celui qui met son fils en apprentissage chez un autre le décharge par là, pendant le temps de cet apprentissage, d'une grande partie de l'obéissance qu'il devait, soit à lui, soit à sa mère. Mais pour ce qui regarde le devoir de respect, il subsiste toujours dans son entier. Rien ne peut l'abolir, ni le diminuer. Et il appartient si inséparablement au père et à la mère, que l'autorité du père ne peut déposséder la mère du droit qu'elle y a, ni exempter son fils d'honorer celle qu'il a portée dans ses flancs. Mais l'un et l'autre sont bien éloignés d'avoir le pouvoir de faire des lois et de contraindre à les observer par la crainte des peines qui regardent les biens, la liberté, les membres et la vie. Le pouvoir de commander finit avec la minorité. Et quoiqu'ensuite l'honneur, le respect, les consolations, les secours, la défense soient toujours dus à un père et à une mère, tout cela pourtant ne met point le sceptre entre les mains d'un père et ne lui donne point le pouvoir souverain de commander. Un père ne peut prétendre d'avoir domination sur les biens propres et sur les actions de son fils, ni d'avoir le droit de lui prescrire en toute chose ce qu'il trouvera à propos. Néanmoins, il faut qu'un fils, lorsque lui ou sa famille n'en reçoivent point de choses injustes, ait de la déférence pour son père et ait égard à ce qui lui est agréable. Un homme peut honorer et respecter une personne âgée ou d'un grand mérite, défendre et protéger son enfant ou son ami, consoler et secourir une personne affligée ou qui est dans l'indigence, témoigner de la gratitude à un bienfaiteur à qui il aura des obligations infinies. Cependant, tout cela ne lui confère point l'autorité ni le droit d'imposer des lois à ces personnes. Et il est clair que tout ce à quoi un fils est obligé n'est pas fondé sur le simple titre de père, puisqu'il est tenu de s'acquitter des mêmes devoirs envers sa mère et que ses engagements peuvent varier selon les différents soins, selon les degrés de bonté et d'affection de son père ou de sa mère et selon la dépense qu'ils auront faite pour son éducation. Il peut arriver aussi qu'un père et une mère prennent plus de soin d'un enfant que d'un autre. Et il ne faut point douter que de deux enfants, dont l'un a reçu des témoignages particuliers de ses parents, à l'exclusion de l'autre, le premier n'ait aussi plus de devoirs à remplir envers eux et ne soit obligé à une plus grande reconnaissance. Ceci fait voir la raison pour laquelle les pères et les mères, dans les sociétés et les États dont ils sont sujets, retiennent leur pouvoir sur leurs enfants, et ont autant de droits à leur obéissance que ceux qui se trouvent dans l'état de nature. Ce qui ne pourrait pas arriver si tout le pouvoir politique était purement paternel, si le pouvoir politique et le pouvoir paternel n'étaient qu'une seule et même chose. Car alors, tout le pouvoir paternel résidant dans le prince, les sujets n'y pourraient naturellement avoir nulle part. C'est pourquoi il faut reconnaître que ces deux pouvoirs, le politique et le paternel, sont véritablement distincts et séparés, sont fondés sur différentes bases et ont des fins différentes. Que chaque sujet, qui est père, a autant de pouvoir paternel sur ses enfants que le prince en a sur les siens, et qu'un prince qui a un père ou une mère leur doit autant de respect et d'obéissance que le moindre de ses sujets en doit aux siens. Quoique l'obligation où sont les pères et les mères par rapport à leurs enfants et l'obligation où sont les enfants à l'égard de leurs pères et de leurs mères produisent d'un côté en général le pouvoir et de l'autre la soumission, néanmoins, il y a souvent dans les pères un certain pouvoir qui naît de ce qui n'a pas toujours lieu, parce que ce qui le produit ne se trouve pas toujours. Ce pouvoir vient de la liberté où sont les hommes de donner et laisser leurs biens à ceux à qui il leur plaît. Les biens et les possessions d'un père étant d'ordinaire regardés comme l'héritage de ses enfants, conformément aux différentes lois et aux différentes coutumes des pays, il peut en donner aux uns, plus ou moins qu'aux autres, selon la conduite qu'ils auront tenue envers lui, selon le soin qu'ils auront eu de lui obéir et de se conformer à sa volonté et à son humeur. Ce n'est pas un petit motif pour obliger les enfants à une exacte obéissance, et comme à la jouissance des biens qui sont dans un certain pays et jointe la sujétion au gouvernement établi, on suppose d'ordinaire qu'un père peut obliger, même étroitement, sa postérité à se soumettre à ce gouvernement, aux lois de cet État dont il est sujet, et que l'engagement dans lequel il est à l'égard de cet État oblige indispensablement ses successeurs à un semblable. Au lieu que cette condition n'étant nécessaire qu'à cause des terres et des biens qui sont dans l'état dont nous parlons, elle n'oblige véritablement que ceux qui veulent bien l'accepter, n'étant point un engagement naturel, mais purement volontaire. En effet, des enfants étant par la nature aussi libres que leurs pères, ou qu'ont été leurs ancêtres, peuvent, pendant qu'ils se trouvent dans cette liberté, choisir la société qui leur plaît pour en être membres et en observer les lois. Mais s'ils veulent jouir de l'héritage de leurs ancêtres et de leurs prédécesseurs, il faut qu'ils le fassent sous les mêmes conditions sous lesquelles ils en ont joui eux-mêmes, qu'ils se soumettent aux conditions qui y sont attachées. Certainement, les pères ont le pouvoir d'obliger leurs enfants à leur obéir à cet égard, même après que le temps de leur minorité est expiré. Il a le pouvoir de les obliger à se soumettre à tel ou tel pouvoir politique. Mais ni l'un ni l'autre de ces pouvoirs n'est fondé sur aucun droit de paternité, mais sur les avantages qu'ils accordent à des enfants pour récompenser leur déférence. Et il n'y a pas en cela plus de pouvoir naturel qu'en a par exemple un Français sur un Anglais, duquel, par l'espérance qu'il lui donne de lui assurer du bien, il a droit d'exiger et d'attendre de la soumission et de la complaisance, et qui, lorsqu'il est temps, s'il veut jouir du bien qui lui a été laissé, est assurément tenu de le prendre sous les conditions annexées au lieu où il se trouve, soit en France ou en Angleterre. Pour conclure donc, quoique le pouvoir qu'ont les pères de commander ne s'étende point au-delà de la minorité de leurs enfants, et ne tente qu'à les élever et à les conduire dans leur bas âge, que l'honneur, le respect et tout ce que les Latins appelaient piété, et qui est dû indispensablement aux pères et aux mères durant toute la vie, et dans toutes les sortes d'états et de conditions, ne leur donne point le pouvoir de gouvernement, c'est-à-dire le pouvoir de faire des lois et d'établir des peines pour obliger leurs enfants à les observer, et que par là, un père n'a nulle domination sur les biens propres de son fils ou sur ses actions. Cependant, il est aise de concevoir que dans les premiers temps du monde, et dans les lieux qui n'étaient guère peuplés, un père devenait le prince de sa famille et le gouverneur de ses enfants dans leurs premières années et aussi après qu'ils étaient parvenus à l'âge de discrétion. En effet, il leur aurait été assez difficile de vivre ensemble sans quelque espèce de gouvernement, et il y a apparence que le gouvernement du père fut établi par un consentement exprès ou tacite des enfants, et qu'il continua ensuite sans interruption par le même consentement. Et certes, il ne pouvait y avoir alors rien de plus expédient qu'un gouvernement par lequel un père exerça seul dans sa famille le pouvoir exécutif des lois de la nature, que chaque homme libre a naturellement, et que par la permission qui lui en avait été donnée, il eut un pouvoir monarchique. Mais cela, comme on voit, n'était point fondé sur aucun droit paternel, mais simplement sur le consentement des enfants. Pour en être tout à fait convaincu, supposons qu'un étranger, par hasard ou pour affaire, soit venu alors chez un père de famille et y ait tué un de ses enfants ou ait commis quelque autre crime. Qui doute que ce père de famille n'eût pu condamner cet étranger et le faire mourir, ou lui infliger quelque autre peine, conformément au cas, aussi bien qu'aurait pu faire aucun de ses enfants? Or, il est clair qu'il aurait été impossible qu'il en eût usé de la sorte, par la vertu de quelque autorité paternelle, sur un homme qui n'était point son fils. Il n'aurait pu le faire qu'en vertu du pouvoir exécutif des lois de la nature auquel, en qualité d'homme, il avait droit. Et parce que l'exercice de ce pouvoir lui avait été remis entre les mains par le respect de ses enfants, lui seul pouvait punir un tel homme dans sa famille, laquelle avait bien voulu faire résider en sa personne toute l'autorité et toute la dignité du pouvoir exécutif. Il est aisé et presque naturel aux enfants de revêtir leur père de l'autorité du gouvernement par un consentement tacite. Ils avaient été accoutumés, dans leur enfance, à se laisser conduire par lui et à porter devant lui leurs petits différends. Quand ils furent devenus des hommes faits, qui pouvait être plus propre que leur père pour les gouverner? Leurs petits biens, et le peu de lieu qu'il y avait en ce temps-là à l'avarice, ne pouvaient que rarement produire des disputes. Et lorsqu'il s'en élevait quelqu'une, qui était plus propre à les terminer que celui par les soins duquel ils avaient été nourris et élevés, que celui qui avait tant de tendresse pour eux tous? Il ne faut donc pas s'étonner si l'on ne distingua pas alors entre minorité et âge parfait. Si l'on n'examinait point si quelqu'un avait 20 ans, s'il était dans un âge où il put disposer librement de sa personne et de ses biens, puisqu'en ce temps-là, on ne pouvait désirer de sortir de tutelle. Le gouvernement auquel on était soumis continuait toujours, à la satisfaction de chacun, et était plutôt une protection et une sauvegarde qu'un frein et une suggestion. Et les enfants n'auraient pu trouver une plus grande sûreté pour leur paix, pour leur liberté, pour leur bien, que dans la conduite et le gouvernement de leur père. C'est pourquoi les pères, par un changement insensible, devinrent les monarques politiques de leur famille. Et comme ils vivaient longtemps et laissaient des héritiers capables et dignes de leur succéder, ils jetèrent ainsi insensiblement les fondements de royaumes héréditaires ou électifs qui pouvaient être réglés par diverses constitutions et par diverses lois que le hasard, les conjectures et les occasions obligeaient de faire. Mais si les princes veulent fonder leur autorité sur le droit des pères, et que ce soit une preuve suffisante du droit naturel des pères à l'autorité politique, parce que ce sont eux entre les mains de qui nous trouvons au commencement de facto l'exercice du gouvernement, je dis que si l'argument est bon, il prouve de même et aussi fortement que tous les princes, même les princes seuls, doivent être prêtres et ecclésiastiques, puisqu'il est certain que, dans le commencement, les pères et les pères seuls étaient sacrificateurs dans leur famille, tout de même qu'ils en étaient les gouverneurs et les seuls gouverneurs.